Chapitre 8. Le même jour, à 1 heure de l'après-midi, un homme jeune encore, bien bâti, descendait de voiture dans la cour de la gare Saint-Lazare. Cet homme portait en bandoulière un sac de voyage et tenait à la main une légère valise. Ses cheveux étaient d'un noir mat et sans reflet, sa figure entièrement et soigneusement rasée. « N'est-ce pas l'heure du rapide pour le Havre, monsieur ?» demanda le voyageur à un employé. « Si, monsieur. » Mais on ne délivre plus de billets, le train va partir. Tant pis, à quelle heure, je vous prie, partira le prochain train pour la même destination? À 6h30. Le voyageur sortit de la gare par la rue d'Amsterdam. Il franchit le seuil d'une taverne habituellement fréquentée par les Anglais et les Américains. Taverne placée au rez-de-chaussée d'un hôtel, juste en face de l'entrée du chemin de fer sur la rue d'Amsterdam. Un garçon vint à lui et l'accueillit par ces mots. « Monsieur veut déjeuner ?»« Oui, donnez-moi la carte du jour, un indicateur des chemins de fer et ce qu'il faut pour écrire. Pendant qu'on préparera mon déjeuner, je voudrais envoyer une dépêche. » Le voyageur, ouvrant le livret Schecht, parcourut les pages d'annonces qui s'y trouvaient annexées. Il s'arrêta à la nomenclature des hôtels du Havre. « N'importe lequel, murmura-t-il, l'essentiel est de ne point avoir l'air d'un ahuri qui ne sait où il va. Je ne séjournerai pas longtemps au Havre du reste. » Quoique je n'ai à craindre que tout le monde me croie mort dans l'incendie en essayant de sauver la caisse, et que je sois méconnaissable. Il est plus sage de ne pas m'attarder en France. » Ses yeux s'arrêtèrent sur l'indication du premier hôtel placé en tête de la série et il lut. « Hôtel de l'Amirauté et de Paris réunis, Lemel propriétaire. »« Ça fera mon affaire, ajouta-t-il, autant celui-là qu'un autre. Et même mieux qu'un autre, car je vois qu'il se trouve placé en face du quai d'embarquement des bateaux de Southampton. » Le voyageur prit une plume et traça ces mots. « Hôtel de l'Amirauté, Lemel, Havre. Arriverai ce soir de Paris par train de 11h05, prière réservée chambre confortable. Paul Armand. » Il appela le garçon. « Voilà ma dépêche, dit-il en lui tendant la feuille de papier. Maintenant, servez-moi à déjeuner. » À 6h30, il prit le train. À partir de Mantes, il se trouva seul et en profita pour ouvrir sa valise. En tirer divers papiers et les examiner avec une extrême attention. Ces papiers étaient les plans d'une machine dont ils indiquaient l'ensemble des détails. Dans ce voyageur, nos lecteurs ont reconnu déjà, malgré sa transformation et le changement de couleur de sa chevelure, Jacques Garreau, le contremaître de la fabrique d'Alfortville. Jacques Garreau, l'incendiaire. Jacques Garreau, l'assassin de son patron. Jacques avait crié « Au secours, à moi, je meurs !» après avoir pénétré dans le pavillon, en feu, pour accomplir en apparence un acte d'admirable dévouement, en essayant de sauver la caisse et les papiers de M. Labroux. Il fallait que personne ne pût douter de sa mort, et que si la voix de Jeanne Fortier s'élevait contre lui, cette voix ne fut point écoutée. Jacques connaissait à merveille et de longue date la topographie du pavillon. Il savait qu'une fenêtre placée dans l'escalier conduisant à l'appartement de M. Labroux s'ouvrait sur la campagne, derrière l'usine. Au lieu de pénétrer dans le cabinet, il gravit en trois bonds les marches brûlantes de l'escalier, atteignit la fenêtre, poussa les cris de détresse et d'appel qui avaient porté le trouble et l'effroi dans tous les cœurs, et à moitié aveuglé, à demi asphyxié, s'élança par l'ouverture. Peu après, un craquement formidable se faisait entendre et le toit du pavillon et le premier étage s'effondraient sur le rez-de-chaussée. Le contremaître était en rase campagne, sain et sauf, et courait à travers les terres labourées afin de gagner une route sûre. Une heure après, il tombait exténué de fatigue dans un des massifs du bois de Vincennes. « Enfin, se dit-il, je suis sauvé. » Dès les premières clartés de l'aube, il écarta ses vêtements et retira les liasses de billets de banque et les papiers volés dans la caisse qu'il portait sur la poitrine entre le linge et la chair. Il plia soigneusement les produits de son crime, se servit de son mouchoir pour les envelopper, se leva et se dirigea vers Paris. Là, il se dirigea vers une maison de confection dont une heure après, il sortait complètement transformé. Sa figure seule restait reconnaissable. Il devait même attirer l'attention à cause de la nuance insolite de sa barbe et de ses cheveux. Jacques entra chez un coiffeur, se fit raser et couper les cheveux. « N'auriez-vous pas de quoi me teindre le poil ? » demanda-t-il ensuite en riant. « La couleur rouge n'est point à la mode. »« Mais si, monsieur, certainement, » répondit le coiffeur. « Et ça tiendra 8 jours au moins. » Une demi-heure plus tard, le contremaître avait les cheveux du plus beau noir. Jacques Garreau se dirigea en voiture vers la gare Saint-Lazare, où nous l'avons vu déjeuner et expédier au Havre une dépêche signée du nom de Paul Armand. Ce nom n'était point de pure invention, Paul Armand avait vécu. C'était un mécanicien camarade d'atelier et ami de Jacques à Genève, où il était mort. Le contremaître avait conservé le livret, à lui confié jadis par son ancien ami. Songeant à quitter la France avec Jeanne Fortier, Jacques s'était muni de ce livret. Le signalement de Paul Armand ressemblait à celui de Jacques Garot, sauf la couleur des cheveux et la barbe. Le contremaître, en se faisant raser, éteindre, avait complété la ressemblance. Rejoignons Jeanne Fortier, que nous avons laissée dans un bois endormie à côté de son fils. La pauvre mère dormit près de 2 heures. Quand elle se réveilla, Georges sommeillait toujours. Jeanne le regarda longuement et se pencha sur lui. « J'ai faim, petite mère, dit l'enfant, en ouvrant les yeux. Tiens, mon mignon, voici de quoi manger. » Et la veuve tendit à son fils une partie des aliments achetés par elle. Georges demanda « Tu ne manges donc pas, toi, petite mère? Pourquoi? Je n'ai pas faim. » Jeanne sentait au contraire les exigences de son estomac vide devenir de moment en moment plus impérieuses. Mais pouvait-elle toucher au peu de nourriture qu'elle gardait pour son fils? Interminable lui parut la journée. Elle ne voulait point se montrer en pleine lumière sur la grande route. Enfin, la nuit arriva. Madame Fortier donna de nouveau à l'enfant un peu de pain et de chocolat et se mit en marche, allant au hasard tout droit devant elle. Mais elle fit peu de chemin pendant la nuit et fut obligée de s'arrêter plusieurs fois, la fatigue se joignant à la faim pour l'accabler. La nuit s'écoula, le jour revint. La jeune veuve avançait toujours, portant Georges endormi. Elle aperçut des maisons. Une paysanne les croisa, Jeanne lui demanda « Madame, quel est ce village en face de moi ?»« C'est Chevry, près de Bricq-Contrebert. » Madame Fortier n'en pouvait plus. Elle fut obligée de s'asseoir sur le bord de la route. Une petite fille, menant paître une vache, fit halte en face d'elle. Jeanne lui adressa ces mots. « Dites-moi, mon enfant, dans quelle partie du village de Chevry se trouve la maison du curé ?»« La maison de monsieur le curé est la première que vous voyez là-bas. Une tourelle blanche, un toit pointu et des grands arbres. »« Merci, mon enfant. » Jeanne se leva, prit Georges dans ses bras, et, du paraître d'une somnambule endormie, se remit à marcher. La demeure du curé de Chevry était une maison ancienne et fort simple, devant laquelle se trouvait une pelouse semée de massifs et de corbeilles de fleurs. Derrière le logis s'étendait un potager assez vaste, bien planté d'arbres fruitiers. L'abbé Félix Laugier était un homme de 58 ans, à la figure ouverte, au regard doux et plein de franchise. Tous ses paroissiens l'aimaient. Il habitait la cure de Chevry avec sa sœur âgée de 60 ans et une domestique depuis plus de 20 ans. Sa sœur, Madame Clarisse Darrier, veuve depuis 7 années, était venue vivre auprès de lui après avoir perdu son mari, qui la laissait sans enfant à la tête d'une fortune rondelette. Elle employait à faire la charité la plus forte partie de ses revenus. Nous prions nos lecteurs de nous accompagner à la cure de Chevry, en remontant en arrière de 24 heures, ce qui nous reporte au matin du jour où Jeanne Fortier s'endormait dans un bois à côté de son fils. Il était 8h30. Un jeune homme de 23 ans descendit du train. Ce jeune homme, muni de tout un attirail de peintre paysagiste, prit d'un pas rapide la route conduisant à Chevry. C'était un beau garçon, aux traits fins, à la physionomie spirituelle. Ses yeux, d'un bleu sombre, exprimaient l'intelligence. Ce jeune homme se nommait Étienne Castel. Il n'avait jamais connu sa mère. Son père, un négociant du quartier Montmartre, était mort 4 années auparavant, laissant à Étienne une petite fortune qui lui avait permis de se livrer à ses goûts et de suivre la carrière artistique. L'artiste poursuivit sa route jusqu'auprès de la maison curiale où il s'arrêta. Là, il agita la sonnette, puis, tournant le bouton de la grille, qu'on ne fermait jamais à clé, il entra et gagna le potager. L'abbé Laugier jardinait. En apercevant Étienne, il poussa une exclamation de joyeuse surprise et vint à la rencontre du jeune homme. « Sois le bienvenu, cher enfant !» s'écria le bon curé en serrant les mains de l'artiste. « Quelle agréable surprise !»« Ainsi, fit le jeune homme, vous me pardonnez l'indiscrétion qui m'a fait tomber chez vous. Je te pardonnerai si tu me promets que ta visite sera longue. Je vous donnerai 8 jours. »« 8 jours seulement ? C'est trop peu. Enfin, va pour 8 jours de bonnes promenades, de bonnes causeries. » L'abbé Laugier conduisit Étienne dans une petite pièce du rez-de-chaussée où le jeune homme déposa son matériel de peintre. Ensuite, le curé appela « Clarisse, Clarisse, descends vite, notre artiste est là !»« Étienne !» s'écria Madame Darrier en descendant vivement l'escalier. « C'est une charmante surprise. Mais s'il nous avait prévenu, on aurait pu du moins lui préparer sa chambre. »« Justement, j'ai voulu vous faire une surprise, chère madame, » répondit le peintre en embrassant sur les deux joues la sœur du curé. « Me voici chez vous pour 8 jours. »« Ce n'est guère, mais enfin tu auras le temps de goûter à mes confitures. » Et Madame Darrier alla s'occuper de corser le menu du déjeuner. L'artiste monta son attirail dans la chambre qu'il avait l'habitude d'occuper chaque année, puis rejoignit au potager l'abbé Laugier. « Combien de choses tu dois avoir à m'apprendre, mon cher enfant, depuis 6 mois ? Le travail ? J'ai travaillé beaucoup, avec ardeur et avec joie. Et les résultats ? Je commence à vendre, mais l'argent n'est pas tout. Tu rêves la gloire ? Sinon la gloire, du moins la notoriété. Mais tu es connu déjà ? Pas assez. Je voudrais me placer hors de pair. Que faudrait-il pour cela ? Trouver un excellent sujet de tableau et l'exécuter magistralement. Deux choses simples, comme vous voyez. Tu trouveras peut-être cela ici, mon cher enfant. Je l'espère. Votre amitié m'a toujours porté bonheur. L'abbé Laugier, compagnon d'études et ami très intime du père d'Étienne Castel, avait vu grandir le fils et reporté sur lui toute l'affection que lui inspirait le père. L'affection d'Étienne pour le prêtre ne le cédait en rien à celle que le prêtre avait pour lui. À 11 heures précises, nos trois personnages se trouvaient réunis dans la salle à manger. Étienne mangea de grand appétit, et comme il ne comptait point se mettre au travail ce jour-là, il sortit après le déjeuner. Le lendemain, il se leva de bonne heure, prépara sa palette, descendit s'installer dans le jardin et ébaucha rapidement une étude de la campagne à peine éveillée sous les brumes transparentes du matin. Vers 7h30, le prêtre revint de la messe. Il trouva Étienne à l'œuvre. « Bon courage, lui dit-il. Je ne crois point me tromper en affirmant que cette étude est bonne. Il me semble que tu vois juste et que tu traduis bien ce que tu vois. » L'abbé Laugier alla s'installer sous les marronniers. À l'intérieur, Madame Darrier s'occupait des soins du ménage. La servante Brigitte donnait à manger aux lapins et aux volailles dans une basse-cour voisine du jardin, dont un rideau de troène la séparait. 10 minutes à peu près s'écoulèrent. Un coup de sellette retentit à la grille. La servante se hâta d'abandonner poulets et lapins. Elle déposa son valet et courut à la grille. Une femme épuisée portant un enfant dans ses bras était à genoux sur le seuil. Brigitte s'approcha vivement d'elle. « Par pitié, balbutia Jeanne, que nos lecteurs ont déjà reconnu, du secours pour moi et pour mon enfant. » Très émue, Brigitte prit la jeune veuve par la taille et voulut l'aider à se relever. Jeanne fit un effort, mais ses forces la trahirent, et elle faillit tomber à la renverse. « Monsieur le curé !» cria Brigitte. « Venez, venez vite !» À cet appel, l'abbé Laugier et Étienne accoururent. « Qu'y a-t-il, bonne Brigitte ?» demanda le prêtre. « Une jeune femme qui est en train de s'évanouir. »« Petite maman, où as-tu mal ?» criait Georges. « Cette pauvre femme et son enfant se meurent de fatigue, » dit Étienne, en soutenant Jeanne. « Et peut-être de faim, » ajouta le curé. Madame Darrier accourut à son tour. « Clarisse, ma chère sœur, lui dit le prêtre, 2 tasses de bouillon pour ces pauvres créatures, bien vite, je t'en prie, et une bouteille de vieux vin de Bordeaux. » Brigitte suivit Madame Darrier après avoir assis l'enfant sur un banc. Étienne et l'abbé soutinrent Jeanne, qui put se traîner jusqu'auprès de son fils. Elle tomba sur le banc. Étienne avait couru chercher de l'eau fraîche et lui mouillait les tempes. Madame Fortier ouvrit ses yeux à demi fermés, cherchant son fils. Elle l'aperçut et tendit les mains vers l'enfant. « Tant qu'il est vous, dit le prêtre, nous aurons soin de lui. » « Oh, merci, merci, » bégaya Jeanne, dont le visage se détendit et dont les larmes coulèrent. « Il a faim, le cher petit. »